Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Spider-Man, l'homme araignée. Yes, comic books have become definitely an international art form, and I think one day they will be as important as movies and television. Le père de l'homme-araignée, Stan Lee, à l'émission Documents en 1976. Pour Stan Lee, il ne faisait aucun doute à l'époque que la bande dessinée aurait un jour la même importance que le cinéma ou la télévision. Quoi qu'on en pense avec le recul, ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est que son personnage de l'homme-araignée aura réussi, lui en tout cas, à s'imposer comme l'un des super-héros les plus connus de l'histoire de la BD et que Stan Lee aura, lui, gagné son pari d'en faire également un personnage sans cesse repris au cinéma et à la télévision. Tu te prends pour une araignée? L'araignée contre le crime? T'es qui? Spider-Boy? Je suis Spider-Man. Un homme qui porte des collants? Ce sont pas des collants. Des gens sont au courant. Combien? Personne. Et pour grimper au mur, c'est quoi ton truc? Des gants adhésifs? Ça, c'est une longue histoire. Simplement, avec ce qui m'est arrivé, tous mes sens se sont hyper développés. Et donc, je capte beaucoup trop de choses. Avant, j'étais un garçon comme les autres. Ça fait que 6 mois que j'ai ces pouvoirs. Je continue à lire des bouquins, je bricole des ordinateurs. Et si je voulais, je serais un grand joueur de football. Mais avant, j'étais nul, alors ça paraît très bizarre. Parce que tu es différent. C'est ça. Mais je peux le dire à personne, alors je me tais. Quand on a des pouvoirs comme les miens, mais qu'on n'en fait rien, quand il arrive des malheurs, c'est de votre faute. Donc, tu veux défendre le faible contre le fort, contribuer à rendre le monde meilleur, hein, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Je défends les faibles. C'est ce que je fais. Extrait du film Captain America Civil War, réalisé en 2016 par Anthony et Joe Russo. On entendait un extrait de la scène où Tony Stark, alias Iron Man, rencontre Peter Parker, alias Spider-Man. Il s'agit d'une assez jolie scène qui surtout résume assez bien, je pense, l'esprit qui anime cet univers des super-héros, ses défenseurs, en principe, de la veuve et de l'orphelin. Pour nous raconter l'histoire de Spider-Man, l'homme-araignée, je reçois le comédien fou de BD, Jean-Dominique Leduc, habitué de l'émission. Jean-Dominique Leduc, bonjour. Bonjour, Jacques. Quand on vous a proposé, Jean-Dominique, de raconter l'histoire d'un super-héros, vous avez tout de suite choisi l'homme-araignée. Pourquoi l'homme-araignée? Ah, sans l'ombre d'une hésitation, parce que c'est probablement le personnage de l'univers du comics américain qui est le plus connu et auquel les gens s'identifient le plus. C'est vraiment un personnage qui a réussi à traverser les frontières du temps, les frontières géographiques. C'est vraiment un personnage qu'on reconnaît. Lorsqu'on prend l'icône de Spider-Man et qu'on prend l'icône de Superman, oui, et qu'on met ça devant des enfants, devant des gens de cultures diverses, instantanément, ils savent de qui il est question. Oui. Et c'est aussi un personnage qui, depuis sa création en 1962, a connu le plus grand nombre de transformations. C'est un personnage qui a énormément évolué. Oui. Alors, on s'ennuie jamais avec l'homme-araignée. Et l'homme-araignée, Superman, c'est les deux plus connus, je pense qu'on peut le dire. Oui, avec Batman aussi. Avec Batman, oui, c'est vrai. Oui. Mais pourquoi, je reviens là-dessus, pourquoi celui-là? Qu'est-ce qui, chez lui, vous intéresse plus que chez Batman ou chez Superman? Son humanité. Ouais. En fait, lorsqu'ils ont créé Stan Lee et Steve Ditko, lorsqu'ils ont créé en 1962 Spider-Man, l'idée de génie, en tout cas, qui revient surtout à Stan Lee, c'est cette idée que le super-héros en soi n'est pas un demi-dieu, mais qu'il est un être humain normal, ouais, doté de pouvoirs. Et donc, des pouvoirs avec lesquels le personnage doit composer. Et ça, c'était très, très nouveau parce que, bon, les super-héros ont été créés dans les années 30. C'était carrément des demi-dieux, oui, qu'on reconnaissait essentiellement à leur pouvoir ou à leur costume. Et donc, on creuse peu à ce moment-là. C'est-à-dire que les personnages sont unidimensionnels, tout ça. Et Stan Lee, lui, a vraiment l'idée de génie de se dire non, je vais créer des super-héros qui sont humains. Et donc, ils ont des failles, ils ont une psychologie, ils ont une psyché. Et ça, c'est vraiment nouveau. Alors, par exemple, Spider-Man, c'est un adolescent. Encore là, c'est une nouveauté. Parce que les adolescents, généralement, dans l'univers du super-héros, sont relayés comme partenaire du personnage principal. On n'a qu'à penser à Robin, ouais. qui est l'aide de camp de Batman. Alors que là, tout à coup, on a un adolescent seul qui est aux commandes de sa propre destinée. Oui. Et ça, c'est une nouveauté. C'est une petite révolution, en fait. Tout à fait. Et de fait, quand cette année, parce que l'âge d'or, le début, vous l'avez un peu évoqué, oui. mais ça commence dans les années 30, les super-héros, mais c'est super-héros invincibles, puis ça va aller assez vite. Là. Il y aura Superman, Captain America, Batman, tout ça, ça se passe dans quelques années. Ah oui. Après la guerre, un petit ralentissement, il y a le macartisme, on n'est plus trop là-dedans, après la Deuxième Guerre, puis une renaissance dans les années 60, 62, donc, arrive dans ce mouvement de renaissance de la BD, arrive notre ami, l'homme-araignée. Mais quand, ce que j'allais dire, c'est que ce personnage qui ne correspond pas du tout au canon habituel de la BD, quand Stan Lee en parle à son patron, mettons que la réaction est pour le moins circonspecte. On l'écoute justement nous raconter comment ça se passe à l'émission de Larry King diffusée à CNN en 2000. Stan Lee donc. Nobody wanted me to do it, my publisher, when I suggested the idea. Personne ne voulait cette idée. Lorsque je l'ai proposé à mon éditeur, il m'a répondu. Mais les gens détestent les araignées. Quand je lui ai dit que je voulais que ce soit un adolescent, il m'a répondu, les adolescents peuvent être l'assistant, comme Robin, mais pas le personnage principal. Et quand je lui ai dit que je voulais que Spider-Man ait plein de problèmes personnels, il m'a dit, Stan, sais-tu vraiment ce qu'est un héros? He said, Stan, don't you know what a hero is? So he wouldn't let me do it. I had to wait till later. Par la suite, on terminait la préparation d'un album, mais à cette époque, personne ne se souciait de ce qui se trouvait dans les albums. On pouvait y mettre tout ce qu'on voulait. J'ai donc placé Spider-Man en couverture. Et contre toute attente, c'est devenu notre meilleur vendeur. Alors mon éditeur est revenu me voir. Stan, ce personnage que l'on aimait bien tous les deux, Spider-Man, pourquoi tu n'en ferais pas une série? Why don't you do a series? C'est assez fabuleux comme histoire. Au début, vraiment, ça ne marche pas du tout. Mais il a cette brillante idée. Mais racontez-nous un peu comment il réussit finalement à convaincre son patron, qui est même lui-même convaincu plus tard que c'était leur idée à tous les deux. Comment il réussit à imposer Spider-Man alors que le premier geste, c'est un geste de rejet complet? Là. Bon, Martin Goodman, qui était propriétaire de Timely Comics, qui devient Marvel dans les années 60. Alors lui, c'est un éditeur. Alors il est là pour faire de l'argent. Et il regarde ce qu'il se fait chez le compétiteur, donc chez DC Comics. Et au début des années 60, chez DC, il y a une micro-révolution qui se passe. Il y a un numéro de Brave and the Bold qui est publié, dans lequel tous les héros de DC s'unissent ensemble et deviennent la Justice League. Et là, Martin Goodman dit à Stan Lee, son homme de bras, « Tu vas me pondre quelque chose. Là, il y a moyen de faire de l'argent, alors go, vas-y, sors-moi des super-héros. » Et c'est là que Stan Lee regarde ça et se dit « Ouais, mais moi, je veux aller ailleurs. Ouais. » Donc, Stan Lee pond sa première histoire de Spider-Man dans le numéro Amazing Fantasy numéro 15. Et Martin Goodman décide d'arrêter cette publication-là suite à sa sortie, ce qui est un non-sens. Et là, finalement, de façon rétroactive, lorsqu'il voit les chiffres de vente, justement, se dit « Ah, mais non, tiens, là, on tient quelque chose. » Et donc, Stan Lee réussit son premier pari. Et c'est ça, donc, de faire un personnage auquel on peut s'identifier. Ouais. Parce que Spider-Man n'a rien, en fait, d'un héros à la base. C'est un orphelin qui vit chez son oncle et sa tante. C'est un garçon qui étudie en sciences, qui est timide, qu'aucune affinité physique, plaît pas aux filles, subit de l'intimidation. Bref, on est loin du héros. Mm-hmm. Et un accident, lors d'une foire de science, le mènera à développer des pouvoirs. Donc, il sera mordu par une araignée radioactive. Bon, évidemment, ce sont des origines assez drôles quand on y pense aujourd'hui. Mais bon, à l'époque, on est au début des années 60. Ça marche, il y a un prétexte. Ça fonctionne. Ouais. On est quand même à l'époque pratiquement de Star Trek. Donc, il y a quelque chose, l'espèce de science un peu inventée, ça fonctionne bien. Et là, tout à coup, ce personnage-là, cet ado-là, devient un héros. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au point de départ, même par rapport à l'extrait qu'on a entendu où Peter Parker dit « je veux faire le bien », tout ça, au point de départ, Spider-Man, Peter Parker, lorsqu'il développe ses pouvoirs, premier réflexe, il se dit « parfait, je vais me faire un costume et je vais aller faire de la lutte à la télévision, je vais faire de l'argent, je vais capitaliser sur mon pouvoir. » Donc utiliser ses pouvoirs pour lui-même, pour son propre intérêt. Exactement. Ce qui arrive, c'est qu'il laisse filer un filou durant la représentation. Et cet homme-là tuera son oncle. Ouais. Et Peter va arriver trop tard. Et donc, son oncle agonise et il lui révèle son identité. Et son oncle lui dit, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ouais. Et c'est à ce moment-là que la vie de ce personnage-là bascule. Parce que là, tout à coup, il doit subvenir aux besoins de sa tante. Et donc, Peter Parker va se trouver un travail à mi-temps, donc de photographe. Et encore là, il va faire exactement la même chose, c'est qu'il va mettre à profit ses pouvoirs. Donc, le Peter Parker prend en photo Spider-Man en action. Ouais. Donc, il trouve un moyen quand même de capitaliser là-dessus. Et là, tout à coup, on est dans des strates psychologiques, ce à quoi on n'est pas habitué dans le super-héros à l'époque. Mais ça marche. On va voir au cours des minutes qui viennent comment, vous le disiez, c'est un des personnages de super-héros qui s'est le plus transformé au cours du temps. Mais le début, là, celui que vous nous décrivez, le premier Spider-Man, l'homme araignée du début, celui des années 60, c'est ce personnage complexe, jeune, qui se distingue des super-héros traditionnels et qui connaît un succès monstre instantané. Ah oui, c'est instantané. Tellement qu'en fait, il aura droit à sa propre série animée en 1967. Mm-hmm. Donc, on parle de 5 ans après sa création, alors que l'animation télévisuelle aux États-Unis en est pratiquement à ses balbutiements dans ce genre-là. Il y aura aussi un sondage qui sera mené sur les campus universitaires, à savoir quels sont les héros préférés des étudiants. Et Spider-Man arrive à égalité avec le Che. Che Guevara. Donc, Bob Dylan. Bob Dylan aussi, ça, le oui. Che et l'homme araignée. L'araignée, l'araignée, elle connaît trop bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde. Car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il a pu son radioactif. Il s'envole sur un fil, il préfère du péril. Attention, car l'araignée est là. Vous en parliez il y a un instant, Jean-Dominique Leduc, de ce premier dessin animé, tellement le succès est grand à l'arrivée de l'homme araignée, ce premier dessin animé en 1967, une série en fait qui va être présentée à ABC. Et c'est la chanson donc de ce dessin animé qu'on entendait, que certains de nos auditeurs ont sûrement reconnu. C'est pas un hasard. Dessin animé, je disais d'entrée de jeu, dès le départ, Stan Lee a cette ambition du cinéma, de la télévision. Et d'ailleurs, au moment où à peu près où est produit cette série, il déménage, lui, sur la côte ouest. Ah oui, totalement. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Stan Lee était l'homme de bras, de l'homme de confiance de Martin Goodman, de Timely Comics et donc de Marvel. Et donc, il était l'éditeur en chef, Stan Lee. C'est lui qui pilotait toutes les séries. Mais c'était très clair, lui, ce qui l'attirait vraiment, c'était le cinéma. Et donc, sans que ça apparaisse auprès du lectorat, il va tranquillement quitter ses fonctions, Stan Lee, pour vraiment aller courtiser Hollywood. Et ce sera un long chemin. Ça prendra beaucoup de temps. Mais il aura réussi au début des années 2000. On y arrivera, mais il aura réussi son pari. Ça lui aura pris, mais vraiment... 30 ans de sa vie. Et la première marche, c'est donc cette première série de dessins animés de la fin des années 60. Les années 70, comment résumer? Parce que je reviens à ce fil conducteur, il se transforme beaucoup, Spider-Man. Il évolue. Que devient-il dans les années 70? Alors, le personnage va vivre ainsi que le lectorat un énorme traumatisme. En 1973, Peter Parker réussit à se faire une amoureuse, Gwen Stacy. Et Gwen Stacy sera tuée par le Green Goblin, le gobelin vert, donc qui était l'ennemi juré de Spider-Man. Elle fera une chute mortelle en bas du pont George Washington. Et ça, à l'époque, c'est une onde de choc. Parce que personne ne meurt vraiment chez les super-héros. Personne n'est véritablement blessé. Ouais. Quand un vilain est capturé, on sait qu'il va revenir dans quelques numéros. Ouais. Et là, tout à coup, ça nous fait entrer dans une nouvelle ère du comics, où là, tout à coup, il y a un aspect naturaliste, ou en tout cas de vraisemblance, qui commence tranquillement à entrer. Oui. Il y aura un autre choc dans les années 80, peut-être encore plus grand. Le changement de costume au scandale. Mais c'est pas rien, là. L'homme araignée se transforme. Ah oui, totalement. Pour essayer de de raconter ça simplement. Dans les années 80, l'éditeur en place, Jim Shooter, réfléchit à l'époque chez Marvel à capitaliser et à développer des produits autour des personnages. Et il est le premier à avoir cette idée d'un méga événement où tous les super-héros de Marvel vont se battre contre un ennemi. Ça se passe dans un monde parallèle, dans l'espace. Spider-Man est invité. Et il va entrer en contact avec une entité extraterrestre qui va transformer son costume. Mm-hmm. Donc, la matière est vivante et il devient noir. Mm. Alors là, évidemment, panique à Shanghai. Les lecteurs répondent plutôt mal à ça. Ça prendra quelques mois avant que la pilule passe. L'éditeur, lui, finalement, décide de continuer sur cette lancée-là. Et il a raison. Parce que de cette petite transformation cosmétique-là va naître le plus grand vilain de l'histoire de Spider-Man. Parce que son costume est habité, il est vivant, ce qui lui confère de nouveaux pouvoirs. Par exemple, Peter tombe endormi, le costume embarque sur lui et il se met à se balader dans New York. Mm. Et il n'en est même pas conscient. Mm. Il va tenter de se libérer de ce costume-là et il réussit, mais l'entité, elle, ne l'accepte pas. Elle trouve un autre corps qui va. Et donc, ça deviendra Venom, qui est le plus grand ennemi de Spider-Man. Idée brillante, finalement. Donc, oui, c'est une bonne idée. Un sacré instinct d'avoir pensé à ça. Dans ces fameuses années 80, un petit clin d'œil quand même à deux Canadiens, Jean-Dominique Leduc, qui vont s'approcher, qui vont s'en approcher beaucoup, de l'univers de l'homme araignée. Bien, tout d'abord, il y a Pierre Fournier, le créateur du Capitaine Québec, co-scénariste et créateur de Red Ketchup, du magazine Crow. Alors, Pierre Fournier, qui est un homme touche-à-tout, qui connaît, c'est extraordinaire, cet homme-là connaît tout le monde dans le milieu de la bande dessinée, partout au monde. Et il a travaillé à titre d'encreur sur une série parallèle humoristique qui s'appelait Spider-Ham. Donc, le jambon araignée. Ouais. Oula, vous piquez ma curiosité. Oui, c'est assez rigolo. C'est les années 80. Ouais. On expérimente, on éclate le cadre. Mais il y a aussi un Canadien qui, lui, vraiment va profondément transformer le personnage de Spider-Man. Et c'est Todd McFarlane. Et quand je vous parlais de Venom un peu plus tôt, c'est lui qui aura la tâche de créer ce personnage-là du point de vue graphique et de l'animer. Oui. Et donc, lui laissera une trace indélébile sur le personnage dans sa façon de l'animer, de le dessiner. C'est très, très dynamique, des poses improbables qui défient toute loi de physique et gravitationnelle. Oui. Et donc, qui deviendra une superstar, vraiment, par la suite. Les années 90, en un mot? Bon, les années 90, c'est un peu difficile parce que le jeu vidéo, la télévision compétitionne le médium beaucoup chez les jeunes. Ce sera une décennie où on essaiera beaucoup de choses, où on en réussira, somme toute, très peu. Ouais. Là, tout à coup, il y a d'autres séries parallèles de Spider-Man qui apparaissent. Il y a une histoire de clonage. Vraiment, ça devient quand même assez confus dans les années 90. Et puis on arrive aux années 2000-2010, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais c'est l'ambition de Stan Lee qui finalement se réalise. Spider-Man, c'est les années cinéma, et l'homme araignée va être une machine à sous, mais incroyable pour les studios d'Hollywood. Oui. Ah non, c'est... Alors, c'est la consécration. Hein. Vous le savez, lorsqu'un médium autre que la télévision ou le cinéma accède au grand écran, alors c'est la consécration. Parce que là, on ne rejoint plus juste les lecteurs. Et l'idée géniale là-dedans, c'est qu'on s'assure premièrement d'avoir un fond de salle. Parce que les lecteurs vont vouloir aller voir l'homme araignée au grand écran. Et il y a des cinéphiles, donc, qui ne connaissent pas l'univers, qui vont y aller aussi. Et les prouesses technologiques, là où le cinéma était rendu au début des années 2000, ça leur permettait maintenant de faire de vrais films de super-héros. Et donc, Stan Lee a réussi son pari. Mm-hmm. Et à un point tel qu'en fait, Stan Lee fait une apparition dans chacun des films de Marvel aussi. Donc, c'est une façon de... C'est un gros clin d'œil. Puis avec des chiffres, des recettes au guichet, dans les milliards. C'est hauteur. C'est faramineux. C'est faramineux. Petite réflexion pour terminer cette émission. Que devient l'univers de ces super-héros de notre enfance dans ce monde, Jean-Dominique Leduc, qui est frappé par cette tragique réalité du terrorisme international. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de Jean-Jacques Dufour diffusé à France 2 le 8 décembre 2001, au moment où l'homme araignée, très tôt après les attentats du 11 septembre, prend ce virage du terrorisme international. Trois mois après l'effondrement des Twin Towers, le dernier album des aventures de l'homme-araignée s'ouvre sur deux pages où le héros ne peut que constater son impuissance. « Mon Dieu, dit-il, on n'a rien vu venir, on n'a rien pu faire. » Vous savez, dans un monde où l'on peut faire s'écrouler des tours de plus de 110 étages, nous devons apporter une réponse à la question « Mais quelle sorte de défi nos héros doivent-ils maintenant relever ?» Eh bien, pour l'homme-araignée, ça sera d'aider les sauveteurs. Il a une force surhumaine, il peut soulever jusqu'à 10 tonnes. Superman est invulnérable, Spider-Man a une agilité qui lui permet de se sortir de toutes les situations. Mais face au désarroi de l'humanité, ils n'agissent qu'après coup, et ça, c'est surprenant. Composé de dessins très réalistes, très proches des images que nous avons vues à la télévision, le 36e tome des aventures de l'homme-araignée est un hommage à des hommes qui n'avaient pas de pouvoir magique, les sauveteurs. Que dire de ce contexte nouveau du terrorisme? Ça commence avec le 11 septembre 2001, ouais. Il y a une page qui se tourne, mais du contexte dans lequel on est. Que deviennent Jean-Dominique Leduc des super-héros, nos super-héros comme l'homme-araignée, dans ce temps du terrorisme? Je vous dirais en perte de repère. Hein. Il y a vraiment une insouciance qui s'opère tout à coup. Parce que le super-héros, c'est un peu comme le théâtre shakespearien. C'est la vraisemblance, mais on n'est pas dans la réalité. Et là, tout à coup, ces personnages-là, dont l'homme-araignée, est placé devant le fait accompli, devant l'horreur totale. Ouais. Je pense que c'est vraiment la première fois qu'on voit nos héros autant impuissants. Et c'est une nouvelle réalité. Et depuis ces années-là, je vous dirais que les scénaristes et les illustrateurs aussi travaillent beaucoup à se rapprocher vraiment de la réalité. Ça demeure quand même spectaculaire, mais il y a vraiment une perte d'insouciance et ce ne sera plus jamais pareil maintenant. Et d'ailleurs, on voit ça résonner. On le voit dans le film des Avengers, lorsque les extraterrestres débarquent sur la Terre. On peut comparer ça au terrorisme parce qu'ils sortent de nulle part et les héros sont complètement impuissants face à ça. Ils sont traumatisés aussi par la suite. Ouais. Jean-Dominique Leduc, comédien, auteur de Demi-Dieu, 40 ans de super-héros dans la bande dessinée québécoise, copropriétaire de la librairie Z, spécialisée, vous l'aurez deviné, en bande dessinée. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Merci, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Boulanger. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.